que qu'à ta divine flamme tout ma soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Le parfait bonheur, le

sera la gloire pour moi. Je sais qu'elles seront les chandelles bienheureuses, les enfants, les accords, des hymnes angéliques, mais je sais que joignant ma voix au Saint Cantique, bien quand j'adore. Dans le champ de victoire. Loin de vous, je prends. Cantique 223, dans le chant de victoire. À Jésus, je m'abandonne. Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptant sur lui, terre à neuf. Tant que Dieu le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptant sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est en des points troublés. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptant sur l'éternel, tant que dure le combat, pour que l'on meure, comptant sur Dieu, tout est là. Si j'en perdais la lumière, mon chancelier est attendri. Pour se changer en prière, si s'assombrir, comptant sur lui, Père en heure. Tant que dure le combat, que l'on vieillit ou que l'on meure, comptant sur Dieu, tout est là. Je ne veux pas qu'on réclame jamais quand et ce sur lui. Quand on sur Dieu dernier, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptant sur Dieu, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptant sur Dieu, tout est là. Cantine numéro 200. Cantique numéro 200, dans le chant de victoire. Je l'ai au matin, quand le ciel s'ennuie, je semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le père et les reins. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Pour cherche avec soin sa divine présence, laissant son cœur pour ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours en ton lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure. Cantique numéro 6. Dans le chant. Non, chantez pas, c'est comme si, si. Chantez encore. Vous n'avez pas bien chanté. Cantique numéro 200. Cantique numéro 200. Dans le chant de victoire. Veille au matin, quand le ciel s'ennuyage, semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie. Silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, laissant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille au matin, veille le soir, veille et prie. En tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours, veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant, pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner. Veille le soir, veille et prie toujours. 180. Numéro 180, le chant de victoire. Cantique numéro 180. Seigneur m'appelle, prends ta croix. suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre. Incomparable amour du ciel à Jusqu'à la mort soumise à ta puissance.

mal, Jésus tombé. Son nom puissant, malheur, levé, précis, le nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh, merveilleux don, Seigneur Jésus. Suprême grâce, sois adoré pour toujours.